Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Tu as besoin de persévérance, ma sœur, pour voir l'accomplissement des promesses divines. Tu as besoin de persévérance, mon frère. Ne baisse pas les mains. Je parle à quelqu'un. Tu commences à te décourager. Tu commences à te dire, ça ne vaut pas la peine d'aller à l'église. J'ai consulté les pasteurs. J'ai consulté des prêtres. Mon ami, ce ne sont pas des prêtres, des pasteurs qui sont la solution à ton problème. Regarde à Jésus-Christ de Nazareth. Le pasteur, le prophète peuvent avoir des défaillances. Mais toi, accroche-toi à Jésus. N'abandonne pas Jésus. Il est capable de débloquer ta situation. Persévère dans la prière. Réveille-toi. Si tu dors encore, nous allons prier. Nous sommes à notre émission de prière OSB, opération sur la brèche. Notre passage du jour, c'est Esdras chapitre 6, versets 16 à 22. Chaque matin, je me lève. Je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSB. Lisons Esdras 6, 16 à 22. Les enfants d'Israël, les sacrificateurs et les lévites et les restes des fils de la captivité firent avec joie la dédicace de cette maison. Ils offrirent pour la dédicace de cette maison de Dieu 100 taureaux, 200 béliers, 400 agneaux et comme victime expiatoire pour tout Israël, 12 boucs d'après le nombre des tribus d'Israël. Ils établirent les sacrificateurs selon leur classe et les lévites selon leur division pour les servir de Dieu à Jérusalem, comme il est écrit dans les livres de Moïse. Les filles de la captivité célébrèrent la Pâque le 14e jour du premier mois. Les sacrificateurs et les lévites s'étaient purifiés de concert. Tous étaient purs. Ils immolèrent la Pâque pour tous les fils de la captivité, pour leurs frères, les sacrificateurs et pour eux-mêmes. Les enfants d'Israël, revenus de la captivité, mangèrent la Pâque avec tous ceux qui s'étaient éloignés de l'impureté des nations du pays et qui se joignirent à eux pour chercher l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils célébrèrent avec joie pendant 7 jours la fête des pains sans levain, car l'Éternel les avait réjouis en disposant les rois d'Assyrie à les soutenir dans l'œuvre de la maison de Dieu, du Dieu d'Israël. Amen. Trois vérités se dégagent de ce passage. Et ce sont ces vérités qui vont nous diriger dans nos moments de prière d'aujourd'hui. Voici la première vérité. Nous devons apprendre à donner des offrandes pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, surtout lorsque nous avons certaines solennités. Je vais parler à quelqu'un. Lorsque, par exemple, tu t'apprêtes à célébrer des fêtes telles que Pâques, lorsque tu t'apprêtes, par exemple, à célébrer la dédicace d'un temple, lorsque, par exemple, tu t'apprêtes à célébrer une solennité quelconque, mon ami, c'est une occasion pour toi de faire une offrande spéciale pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et ça, les enfants d'Israël, ils ont compris. L'offrande ou les offrandes que nous donnons servent d'abord à manifester notre reconnaissance à Dieu pour ce qu'il a fait. Les enfants d'Israël ont fait 70 ans de la captivité. Je vais parler à quelqu'un. Peut-être que pendant des années, tu étais esclave de démons, esclave de sorciers. Les médecins ont dit même que tu ne pouvais pas guérir. Mais le Seigneur t'a délivré. Jésus t'a guéri de manière miraculeuse. Que fais-tu pour ce Jésus qui t'a élevé, qui t'a béni? Aujourd'hui, tu as un grand salaire. Qu'est-ce que tu fais pour l'œuvre de Dieu? Tu oublies celui qui t'a délivré, mon ami. Tu oublies celui qui t'a guéri, ma sœur. Une des manières de reconnaître les bienfaits de Dieu, c'est de penser à Dieu en donnant une offrande pour son œuvre, pour ses serviteurs. Regardez ce qui s'est passé ici. Il est dit au verset 17, « Ils offrirent pour la dédicace de cette maison de Dieu 100 taureaux, 200 béliers, 400 agneaux et comme victime expiatoire pour tout Israël, 12 boucs d'après le nombre des tribus d'Israël. » À l'époque, c'était des richesses. Quand on parle de taureaux, de boucs, c'était des richesses. Aujourd'hui, c'est comme si on offrait des voitures, des maisons, des choses de grande valeur. Oui, lorsque nous les faisons pour Dieu. Et en retour, nous reconnaissons que c'est Dieu-là qui nous bénit. Cela réjouit le cœur de Dieu. Deuxième vérité, nous devons établir les serviteurs de Dieu dans l'église selon l'ordre de Dieu. Vous voyez, quand on dit selon l'ordre de Dieu, cela veut dire conformément à ce que Dieu lui-même a prescrit à travers Moïse. Parmi les 12 tribus, il y avait la tribu de Lévi qui était mise à part pour les sacerdoces. N'importe qui ne pouvait pas s'improviser pour devenir sacrificateur lévite. Aujourd'hui, par exemple, c'est tout le monde qui s'improvise. Chacun se déclare pasteur. Il se réveille un matin, il dit « Je suis prophète ». Il se réveille un matin, il dit « Je suis pas bishop ». Il se réveille un matin, il dit « Je suis évangéliste ». Ce n'est pas comme ça, mon ami. Le métier de pasteur et de prophète n'est pas pour des gens qui ont échoué. Il faut être établi. Vous voyez, ici, une façon de célébrer le culte, c'est d'avoir des hommes de Dieu, des servants de Dieu qui sont appelés, qui sont mis à part. C'est bien d'avoir le temple, mais il faut qu'il y ait des hommes de Dieu, des gens qui vont diriger le peuple, qui vont enseigner le peuple, qui vont conduire le peuple, mais selon la vision de Dieu. Il est dit au verset 18, « Ils établirent les sacrificateurs selon leur classe et les lévites selon leur division pour le service de Dieu à Jérusalem. » Comme il est écrit dans les livres de Moïse. Troisième vérité, nous devons apprendre à servir Dieu dans la pureté. Lorsque je dis que je sers le Seigneur, tu es peut-être responsable des mamans de l'église, tu es peut-être responsable de la jeunesse, tu es peut-être dirigeant du culte, tu es peut-être un homme de Dieu pasteur, tu es peut-être président de l'église, tu es apôtre, tu es évangéliste, mon ami. Apprenons à servir ce Dieu dans la pureté. Aujourd'hui, beaucoup de gens mettent l'accent sur les miracles. C'est bien, je n'ai rien contre. Dieu, que nous prions, il agit, il opère des miracles. Mais ces miracles-là, Dieu ne les opère pas dans le péché. Comment puis-je dire, venez, vous allez recevoir les miracles, alors que moi-même, je vis dans les mensonges, alors que moi-même, je vis dans l'immoralité sexuelle. J'ai chassé ma femme et je sors avec ma secrétaire. Soyons quand même sérieux. Alors que moi-même, je suis escroc, je commence à inventer des prophéties. Non, c'est Dieu que nous servons, n'aime pas ces choses-là. Servons-les dans la pureté, c'est-à-dire éloignons-nous du péché. Une onction qui œuvre dans le péché n'est pas une onction véritable qui vient de Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui commencent à porter ce qu'on appelle des faits étrangers. C'est-à-dire, je vais chercher des fétiches ou d'autres pouvoirs mystiques pour servir Dieu. Nous n'avons pas besoin de ces pouvoirs-là. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Et pour être remplis du Saint-Esprit, nous devons nous sanctifier, nous devons nous éloigner du péché. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'Esprit. » Regardez ici, il est dit à partir du verset 20, « Les sacrificateurs et les lévites s'étaient purifiés des concerts, tous étaient purs, ils immolèrent la Pâque pour tous les filles de la captivité, pour leurs frères, les sacrificateurs et pour eux-mêmes. Les enfants d'Israël revenus de la captivité mangèrent la Pâque avec tous ceux qui s'étaient éloignés de l'impureté des nations du pays et qui se joignirent à eux pour chercher l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on célèbre des fêtes comme Pâques, mais il y a des gens qui ne comprennent rien. Comment est-ce que tu vas célébrer Pâques dans l'immoralité? En Afrique, par exemple, il y a certaines traditions où les gens célèbrent Pâques selon les coutumes de leurs ancêtres, selon les traditions qui n'ont rien à voir avec la Bible, bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que nous comprenons même le sens de Pâques? Lorsque les enfants d'Israël célébraient la fête de Pâques ou la fête des pains sans levain pendant 7 jours, le levain symbolisait le péché. C'est-à-dire qu'il faut s'éloigner du péché. Lorsque je vais célébrer cette fête-là, lorsque je vais reconnaître les bienfaits de ce Dieu qui m'a fait sortir de l'esclavage en Égypte, je ne peux pas le célébrer n'importe comment. Et pour nous, dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ, celui qui a vaincu la mort. Il était enseveli, mais le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts. Nous devons les célébrer avec la pureté. Nous devons nous éloigner du péché. Oh, je vais parler à quelqu'un. Tu ne peux pas célébrer la fête de Pâques en gardant la haine contre ton mari, contre ta femme. C'est l'occasion de te réconcilier maintenant. Tu ne peux pas prendre la Sainte Cène en gardant la colère. Tu ne peux pas prendre la Sainte Cène en gardant le péché de l'immoralité, hein, en étant homosexuel. Non, bien-aimé dans le Seigneur, soyons sérieux. Éloignons-nous du péché. Notre Dieu n'aime pas ces choses. Célébrons-les selon la pureté, selon ce que la Bible nous dit. Et il est dit au verset 22, « Ils célébrèrent avec joie pendant 7 jours la fête des pains sans levain, car l'Éternel les avait réjouis en disposant les rois d'Assyrie à les soutenir dans l'œuvre de la maison de Dieu, du Dieu d'Israël. » Que le nom du Seigneur soit béni. N'est-ce pas merveilleux de connaître ce Dieu-là? N'est-ce pas merveilleux de connaître Jésus, celui qui est mort sur la croix de Golgotha et qui est ressuscité? Je voudrais vous convier à louer le Seigneur avec nous en chantant ces cantiques. À toi le roi, à toi le roi éternel, à toi le roi immortel, à toi le roi invisible, à toi Dieu seul sage, à toi Dieu seul sage, à toi le roi. À toi le roi éternel, à toi le roi, à toi le roi immortel, à toi le roi invisible, à toi Dieu seul sage, à toi Dieu seul sage. À toi le roi, sois louange, honneur, louange, honneur et gloire. À toi le roi, sois louange, honneur et gloire. À toi le roi éternel, Dieu ce sage. À toi Dieu ce sage. À toi le roi. À toi le roi éternel. À toi le roi. À toi le roi immortel. À toi le roi invisible. À toi Dieu. Gloire à Dieu, gloire au Père, gloire à Jésus-Christ, gloire au Saint-Esprit. Élevons ensemble nos voix, bénissons-les, glorifions son saint nom. Nous te bénissons, Seigneur, toi qui nous as sauvés par Jésus. Sois béni, toi qui nous sauves jour après jour et qui nous bénis de toutes sortes de bénédictions. Nous t'élevons pour cela, ô notre Dieu, notre Seigneur. Merci de ce que tu es celui qui veut que nous puissions donner à ton œuvre. Merci de ce que tu veux que nous puissions donner afin que ton œuvre avance. Sois béni, éternel notre Dieu, toi le Dieu qui établit des serviteurs selon ton ordre. Oui, Seigneur, tu veux que nous puissions également te servir selon tes instructions. Nous bénissons ton nom, ô notre Seigneur. Toi le Dieu qui nous a sanctifiés par Jésus. C'est toi qui nous as purifiés et qui veut que nous puissions te servir tout en étant saint et irréprochable. Nous bénissons ton nom, ô notre Dieu, notre Seigneur, toi qui nous aides à marcher dans la sanctification et à te glorifier jour après jour. Sois béni, notre Dieu, notre Père, toi le Dieu trois fois saint, le Dieu qui nous soutient et qui nous conduit pour ta seule gloire. Au nom de Jésus, amen. Amen. Nous sommes à notre émission de prière OSB, opération sur la brèche. Si cette émission vous a fait du bien, faites-nous signe, soit en nous appelant sur notre contact, soit en réagissant à travers notre site web www.radiofréquencevie.com. Notre texte du jour, c'est Esdras chapitre 6, versets 16 à 22. Nous venons de voir dans ce passage que nous devons apprendre à offrir à Dieu, donner des offrandes en signe de gratitude, en signe de reconnaissance. Lorsque Dieu nous a guéris, lorsque Dieu nous a délivrés, il nous a fait du bien, apprenons à lui donner des offrandes digne de lui pour soutenir son œuvre. C'est ce que les enfants d'Israël ont fait à l'occasion de la dédicace du temple. Prions le Seigneur afin qu'il puisse libérer nos cœurs et que nous puissions réellement lui donner de tout notre cœur. Au nom de Jésus, qu'il nous délivre de la cupidité. Bénissons le Seigneur. Prions le Seigneur. Très excellent Père, c'est une grâce, c'est un privilège pour nous, ce matin, d'invoquer une fois de plus ton Saint-Nom. Invoquer ton Saint-Nom pour tous tes bienfaits. Invoquer ton Saint-Nom pour les sacrifices que tu as consentis à notre égard. Invoquer ton Saint-Nom pour ton amour. Merci Père éternel pour le souffle de vie que tu maintiens en nous. Ce matin, ô Père éternel, nous exprimons notre reconnaissance dans cette prière d'action de grâce, en demandant au Père éternel que tu fasses en sorte que tes fils et tes filles puissent également exprimer leur reconnaissance par des dons et par des offrandes de valeur, qu'ils puissent donner pour exprimer leur reconnaissance pour tous les bienfaits. Père éternel, ce que tu as fait pour nous, nous ne pouvons pas le payer. Mais ce que nous te donnons, c'est l'expression de notre amour. Nous exprimons en retour notre amour pour toi comme tu l'as fait à notre égard en envoyant ton Fils unique, Jésus-Christ, souffrir et mourir pour nous. Nous prions contre toute forme de cupidité. Nous prions contre toute forme d'avarice. Et nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ que les liens de cupidité sont brisés et que l'esprit de libéralité se manifeste dans nos vies afin que nous puissions donner pour exprimer notre amour, donner pour soutenir ton œuvre, donner pour contribuer à l'avancement de ton œuvre. Merci Père éternel. Merci pour tout tes offerts. Et nous rappelons encore une fois de plus, Père éternel, que ce que nous donnons ne peut pas compenser ce que tu as fait pour nous, mais ce n'est que l'expression de notre reconnaissance pour tous tes bienfaits. Que cet amour pour nous continue de se manifester, la sécurité également. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ, mort pour nous, que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir que les hommes de Dieu doivent être établis selon l'ordre de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui peut s'improviser pasteur, prophète, évangéliste, docteur. Mais il faut être appelé par Dieu. Et nous devons le faire selon la parole de Dieu. Bien-aimés, prions pour que le Seigneur puisse mettre de l'ordre aujourd'hui. Pour que réellement les vrais hommes de Dieu, les vrais servants de Dieu qui sont appelés, que Dieu les révèle. Et que ceux-là qui s'improvisent eux-mêmes, que Dieu les dévoile. Dans le nom de Jésus-Christ. Et que dans nos églises, nous apprenons réellement à respecter et à soutenir ceux-là que Dieu a appelé, il a établi dans le ministère. Prions le Seigneur. Te remercier, Seigneur, parce que c'est toi qui appelles et qui as établi. Amen. Selon ta parole, par l'action de ton esprit. Et tu as suscité, et tu continues à susciter des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Mais malheureusement, dans nos milieux aujourd'hui, il y a des prétendus serviteurs de Dieu qui se sont autoproclamés des hommes d'affaires. Ô Seigneur, nous prions que tu viennes au secours de ton Église, que tu viennes au secours de tes vrais serviteurs. Nous t'en supplions que ceux que tu as établis, que ceux que tu as appelés, qui ont véritablement répondu à ton appel, soient révélés au notre Dieu, notre Père, soient protégés, soient gardés dans le creux de ta main, et que leur ministère prospère, et que ceux que tu n'as pas appelés, notre Dieu, notre Père, que ta main les arrête, qu'ils soient confondus au nom de Jésus-Christ. Oh, nous t'appelons au secours. Ils détruisent l'œuvre de Dieu. Ils induisent en erreur le peuple de Dieu. Seigneur, nous t'en supplions. Souviens-toi de ton peuple. Jésus est mort sur la croix de Golgotha pour que l'Église, notre Dieu, prospère. Parce que tu as dit, le séjour des morts ne prévaudra pas contre ton Église. Et nous croyons que tu as établi des vrais serviteurs et des servants de Dieu. Que ta main soit sur leur vie et que tu les protèges. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir que le ministère exige la pureté. Lorsque les enfants d'Israël sont revenus de la captivité, ils célébrèrent la Pâque dans la pureté, en commençant d'abord par les sacrificateurs, les lévites. Prions pour que nous marchions dans la pureté, que nous nous éloignions du péché, en commençant par nous les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, tous les responsables au niveau de l'Église, à quelque niveau que ce soit, et que tout le peuple, nous puissions nous éloigner du péché. Au nom de Jésus, pour que la gloire de Dieu descende dans nos vies, pour que la gloire de Dieu descende dans l'Église et dans la nation. Prions le Seigneur. Alléluia, sois béni Seigneur notre Dieu, sois loué, sois magnifié. Je prie que tes serviteurs que tu as mis à part paix, que tu crées en eux un cœur pur, que tu renouvelles en eux un esprit bien disposé. Seigneur notre Dieu, quelles que soient leurs erreurs, quelles que soient leurs fautes, Père, ne les rejette point loin de ta face. Ne les retire pas ton esprit. Rends-leur la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté les soutienne. Seigneur, enseigne-les à observer tes voies et à ne point reprendre encore leurs transgressions. Que leurs péchés ne viennent pas constamment devant eux. Père, merci pour ton sang versé. Merci parce que tu ouvres leurs lèvres et tu publies ta gloire au travers de leur vie. Merci de les aider, Seigneur notre Dieu. Nous voulons, Papa, qu'en cette semaine pascale, que tu donnes à tes enfants de vivre dans la sanctification. Car la Bible dit que tu ne nous as point appelés à l'impureté, mais à la sanctification. La Bible dit que nul ne verra le Seigneur s'il n'est pas sanctifié. Père, nous croyons que tu es capable de sanctifier ton serviteur. Tu es capable, ô Dieu, de mettre ton serviteur sur la bonne voie afin qu'il te craigne davantage et que ta gloire apparaisse dans l'Église et que la manifestation de ton esprit soit réelle. Père, par la foi, que des prêches, des prédications soient données et que des âmes soient guéries, libérées, soient sauvées. Béni sois-tu pour tes merveilles au sein de nos communautés.